Marine, tu as prévu une autre tenue? Oui, pourquoi? Parce qu'on a un rendez-vous spécial en fin de matinée. Enfin, c'est plutôt toi qui as un rendez-vous spécial. Et il faut que tu te mettes sur ton 31. Encore, pensa Marine. Mais elle n'y comprenait rien. La surprise, c'était bien hier, non? Alors, son savoureux avait prévu autre chose encore? Peut-être était-ce la manière avec laquelle il s'excusait de l'avoir laissée seule le jour précédent. Quoi qu'il en soit, elle avait amené un ensemble un peu chic qu'elle n'avait décidé de porter que pour une occasion particulière. Elle le montra à Adam, qui lui fit un petit signe « Ok » d'un air convaincu. Elle disparut à la salle de bain pour se changer et se remaquiller. « C'est à quelle heure le rendez-vous ?» Tu as un peu le temps, 11 heures. Tu m'expliques? C'est quelqu'un qui a eu l'occasion d'entendre ta voix et qui voudrait te rencontrer. C'était bien mystérieux, ça. Alors, ici, à Paris, il y avait quelqu'un qui écoutait les coquineries littéraires de Radio Sonic, cette petite radio locale de campagne? Bizarre. Elle savait qu'Adam ne lui dirait rien de plus. Inutile d'insister. Elle passa donc l'ensemble écru, compléta la tenue avec un haut bordeaux et de jolies boucles d'oreilles, chaussa des sandales plates en cuir et vint retrouver le jeune homme qui regardait par la fenêtre. Ça va comme ça? Dit-elle en tournant sur elle-même. Parfait, dit Adam. On se met en route bientôt? D'ici 10 minutes, oui. Je viens d'appeler un taxi. Il ne faudrait pas qu'on se mette en retard à cause du métro ou de je ne sais quoi. C'était étrange tout ça. Le jeune homme lui souriait de manière énigmatique. Il était bien davantage capable de tenir sa langue qu'elle, ça, c'était certain. Elle ne posa donc pas de questions, empoigna son sac et lui fit signe qu'elle était prête. Ils prirent l'ascenseur et arrivèrent à la porte d'entrée de l'hôtel. Le taxi les attendait. Marine était tout de même un peu inquiète. L'histoire de la tenue et puis le taxi. Adam était lumineux. Il avait à présent un large sourire, certain de l'effet qu'il ferait avec sa surprise. La voiture s'arrêta devant un bâtiment blanc, assez ancien, rien à voir avec un immeuble moderne. Le numéro 76 était indiqué au-dessus d'une porte cochère, juste 3 lettres sur le mur à droite. VOA. On se rappelle qu'on était dimanche. Il y avait peu de monde en rue. Je vous attendais. Entrez. Un homme d'une bonne quarantaine d'années, l'âge de Marine, vêtu d'un jean et d'un polo bleu marine, était venu à leur rencontre et leur tendait la main. La jeune femme n'y comprenait absolument rien. Adam était toujours aussi radieux. Vous me suivez? On va faire les présentations à l'intérieur. Marine passa la première, juste à la suite de l'homme. La modernité des lieux tranchait énormément avec l'extérieur de la bâtisse. Ici, du moderne chic, du fonctionnel, du tapis au sol. Où se trouvait-elle? Beaucoup de questions lui venaient en tête. Oui, elle avait vu les 3 lettres, mais cela n'évoquait rien pour elle, absolument rien. L'homme leur fit signe de prendre place dans des petits fauteuils confortables et s'installa face à eux. Moi, c'est David. Alors, Adam, tu souhaites donc me faire connaître Marine, enfin, plutôt sa voix. Adam, les yeux brillants, regardait son ami. Comment allait-elle réagir? Marine, sais-tu où nous sommes? Eh bien, non, avoua-t-elle un peu gênée. J'ai eu l'occasion d'entendre ta voix dans l'émission nocturne qui passe sur cette petite radio, tu vois. C'est Adam qui m'a envoyé un enregistrement d'un de tes passages, à la demande de Simon. Il est fort, hein, Simon, pour dégoter les talents. Marine était médusée, mais c'était un véritable complot. L'homme continua. Adam a déjà bossé pour nous. On reconnaît son talent ici, sa précision, son perfectionnisme. Donc, quand j'ai reçu cet audio, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Et je peux te dire que ta voix, elle m'intéresse vachement. La jeune femme ne voyait toujours pas de quoi il s'agissait. Peut-être allait-elle devoir lire, là, maintenant, mais pour quelle raison ? Alors, ce que je te propose, c'est simple. Oui, je sais, c'est un peu rapide et imprévu, mais j'aimerais que tu te mettes devant un micro dans un des petits studios. Ils sont équipés tous pareils, sauf au niveau des micros, mais je pense qu'Adam saura mieux que nous quel est celui qui met le mieux ta voix en valeur. Et je te demanderai de lire un texte. Alors c'était ça. Là, ce fut Marine qui eut un large sourire. Bien sûr, c'était ce qu'elle aimait, lire tout haut. Elle était un peu inquiète du fait de n'avoir pas eu le texte avant, mais bon, elle aurait sans doute l'occasion de le parcourir et de l'enregistrer deux ou trois fois. Et puis, s'il n'était pas long, elle pourrait se concentrer davantage quand il lui arrivait de lire plusieurs pages. Adam la précéda, l'installa devant un micro. David tendit une feuille à Marine, puis prit place dans le studio, attenant à la petite pièce d'enregistrement. Cela pouvait commencer. D'un coup d'œil, elle balaya ce qu'elle aurait à lire. Ce n'était pas fort long, juste une demi-feuille. Il n'y avait pas la mention de l'auteur, mais le style était clairement érotique. Des mots crus, certes, pas de vrais soupirs dans le texte. Celui-ci était écrit à la première personne, et visiblement, celle qui parlait était une femme. C'était préférable. Le texte s'appelait « À haute voix ». C'était circonstance. C'est assez court. Ça parle des mots, de l'excitation qu'ils peuvent susciter. Ça convient bien à l'exercice, lui précisa David. Marine s'installa devant le micro après s'être coiffée d'un casque. Elle allait se régaler. En studio, elle n'en avait pas. Ici, sa voix serait telle que les auditeurs l'entendaient. Au signal d'Adam, qui avait rejoint la console d'enregistrement, elle commença. « Je veux te sucer. » David tourna la tête vers Adam. Le charme opérait déjà. La manière avec laquelle la lectrice avait commencé était très troublante. Il y avait comme un petit sourire dans sa voix, au moment de prononcer le « te sucer ». Et un arrêt infime, juste avant, pour bien insister sur ces mots qui étaient tout de même osés. Adam avait les doigts posés sur les boutons de la console et les manipulait avec délicatesse et d'infimes précautions. Un peu plus d'aigu ? Non, du grave d'abord pour faire ressortir les médiums de son ami et puis on ajouterait un peu d'aigu. Supprimer les chointements, quoique au final c'était assez excitant cette espèce de petit cheveu sur la langue. Peut-être était-ce aussi ces sons, ces « s » de « sucer ». Le texte continuait. Marine se délectait. C'était exactement des choses qu'elle aurait pu dire, ou du moins penser. C'était un texte très féminin, au final. Elle n'en connaissait pas l'auteur. Une auteure, peut-être ? Tu n'oses pas la sortir ? Tu veux que je le fasse ? Adam, pour se donner contenance, avait toujours les doigts sur les curseurs. Il semblait plongé dans un réglage très méticuleux. Il avait tellement peur que David se dise qu'il était incapable de rester impassible qu'il n'osait pas relever les yeux. Cécile battait comme des papillons. Sans s'en apercevoir, il se mordillait la lèvre inférieure. Oui, les mots étaient chouettes, mais il sortait tout de même de ses lèvres qui l'embouchaient avec gourmandise. Et le fait de regarder la bouche de Marine ou son visage doux et rieur, cela lui donnait des idées. Toujours ces « s » qui sifflaient un peu. « Non, je veux ta bite, » dis-je en l'attirant à moi pour l'embrasser. « Baise-moi. Baise-moi comme une petite pute que tu ne respecterais pas. » La tirade était longue. La lectrice l'avait dite pratiquement d'une traite, en un seul souffle. C'était des mots crus, vulgaires, mais elle n'avait pas scié. Adam était admiratif. Il la regardait à présent, fier d'elle. Elle était forte, déterminée, entière et généreuse. Ce qu'elle donnait dans ses lectures, c'était ce qu'elle lui donnait à lui, de la passion. Il se souvenait des premières fois, le trouble qu'elle avait provoqué en lui, le fait qu'il décide ce jour-là de faire tout ce qui était en son pouvoir pour être toujours face à elle, derrière la console, dans le minuscule studio de Radio Sonic. Et puis cette première nuit d'après-concert, cette initiation savoureuse, ce qu'elle lui avait fait découvrir, et tout ce monde de sensualité dont elle lui ouvrait les portes un peu davantage chaque fois qu'il se retrouvait. Ni ses désirs, ni ce qu'elle ressentait au fond d'elle. C'était les derniers mots du texte. Était-ce pareil pour Marine ? Certaines portes s'étaient-elles ouvertes pour elle aussi ? La lecture se terminait avec une pensée intime de la narratrice. La lectrice donnait l'impression de s'être identifiée totalement à elle. C'était sans doute pour cela que son discours avait semblé aussi naturel et aussi fluide. Parce que ce texte qu'on lui avait soumis à la lecture, c'était des mots qu'elle aurait pu dire, que toute femme aurait pu dire. Adam et David restèrent silencieux un moment. Ce qu'ils avaient aimé de cette lecture, c'était ces mots qu'elle léchait, qu'elle suçotait comme des petits bonbons un peu acidulés, d'autres qu'elle extirpait d'elle avec un son un peu rauque, d'autres encore au perché avec des sourires dans la voix ou des presque sanglots. Il était même parfois malaisé de savoir si c'était des larmes feintes ou réelles. Quoi qu'il en soit, ce n'était jamais monotone. C'était bourré d'énergie et de dynamisme. On ne s'ennuyait absolument pas. Quant à elle, c'était une des premières fois qu'elle s'entendait au creux des oreilles. C'était un peu perturbant au début. Mais au fur et à mesure que la lecture se déroulait, cela l'aidait vraiment. D'ailleurs, quand le texte se termina, la petite lectrice, intimidée des premières phrases, s'était transformée en une femme dont la voix aguicheuse, tentatrice et vivante avait vraiment pris de l'assurance. C'était manifeste. Adam et David applaudirent sa prestation. Marine déposa le casque et les rejoignit dans la pièce contiguë. Ça allait ? Elle était un peu méfiante, mais leur mine en disait long. Elle était heureuse que les choses se soient passées de manière aussi positive. Oui, elle se rendait compte que c'était réussi. Dis, Marine, je pense que David a une proposition à te faire. Oui, s'enquit la jeune femme. La musardine que tu dois connaître est à la recherche de voix. Je pourrais leur faire écouter la tienne. Je pense qu'elle pourrait leur convenir. Qu'est-ce que tu en dis? Ça te plairait? Marine se tourna vers Adam. Ça aussi c'était prévu? Lui demanda-t-elle avec un petit sourire. Il fallait réussir l'examen. Et là, c'est fait haut la main. Les yeux des amoureux pétillaient. Marine se sentait bien dans les regards protecteurs d'Adam. Et le jeune homme, il avait l'air si fier de lui, de ces cadeaux qu'il lui avait faits.